La représentation artistique d'ensemble des élèves « Nous n'avons rien à envier dans le monde » consacrée au 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée a eu lieu solennellement le 7 juin au Palais des enfants de Mangyongdae. Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a assisté au spectacle avec les délégués aux cérémonies de célébration du 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée. Au spectacle ont figuré Choi Ryong-hae, membre du comité permanent du bureau politique et vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, Lee Il-fan, chef de département du comité central du Parti Travail de Corée, Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung et les permanents de l'Union de la jeunesse. Au répertoire, ont été montés le prélude « Gloire au respecté maréchal », le chœur, le général et les enfants, la musique instrumentale et le chant « Nous n'avons rien à envier dans le monde », lauréat des prix Kim Il-sung et Kim Jong-il, la danse « Kumsun », membre du corps des enfants, et autres. Le spectacle terminé, le maréchal a félicité les élèves pour la réussite du spectacle et adressé ses salutations cordiales à l'assistance.